Les fables de Charles Perrault. Le duc et les oiseaux. Un jour, le duc fut tellement battu par tous les oiseaux à cause de son vilain chant et de son laid plumage que depuis il n'a osé se montrer que la nuit. Tout homme avisé qui s'engage dans le labyrinthe d'amour et qui veut en faire le tour doit être doux en son langage, galant, propre en son équipage, surtout nullement loup-garou. Autrement, toutes les femelles, jeunes, vieilles, laides et belles, blondes, brunes, douces, cruelles, se jetteront sur lui comme sur un hibou. Les coqs et la perdrix. Une perdrix s'affligeait fort d'être battue par des coqs, mais elle se consola, ayant vu qu'ils se battaient eux-mêmes. Si d'une belle on se voit maltraité, les premiers jours qu'on entre à son service, il ne faut pas se rebuter. Bien des amants, quoiqu'amour les unisse, ne laissent pas de s'entrepicoter. Le coq et le renard. Un renard priait un coq de descendre pour se réjouir ensemble de la paix faite entre les coqs et les renards. « Volontiers, dit le coq, quand deux lévriers que je vois, qui en apportent la nouvelle, seront arrivés. » Le renard remit la réjouissance à une autre fois et s'enfuit. Un rival contre nous est toujours enragé. Si fier est chose indiscrète, quelque amitié qu'il vous promette, il voudrait vous avoir mangé. Le coq et le diamant. Un coq, ayant trouvé un diamant, dit « J'aimerais mieux avoir trouvé un grain d'orge. Ainsi, jeune beauté, mignonne et délicate, gardez-vous bien de tomber sous la patte d'un brutal qui n'ayant point Dieu, pour tous les beaux talents dont votre esprit éclate, aimerait 100 fois mieux la moindre fille de village qui serait plus à son usage. » Le chat pendu et les rats. Un chat se pendit par la patte et, faisant le mort, attrapa plusieurs rats. Une autre fois, il se couvrit de farine. Un vieux rat lui dit « Quand tu serais même le sac de la farine, je ne m'approcherai pas. Le plus sûr, bien souvent, est de faire retraite. Le chat est chat, la coquette est coquette. » L'aigle et le renard. Une aigle fit amitié avec un renard qui avait ses petits au pied de l'arbre où était son nid. L'aigle eut faim et mangea les petits du renard, qui, ayant trouvé un flambeau allumé, mit le feu à l'arbre et mangea les aiglons qui tombèrent à demi rôtis. Il n'est point de peine cruelle que ne mérite une infidèle. Les paons et le geai. Le geai s'est emparé un jour des plumes de plusieurs paons, voulait faire comparaison avec eux. Chacun reprit ses plumes, et le geai, ainsi dépossédé, leur servit de risée. Qui n'est pas né pour la galanterie et n'a qu'un bel air emprunté, doit s'attendre à la raillerie, et que des vrais galants il sera bafoué. Le coq et le coq d'Inde. Un coq d'Inde entra dans une cour en faisant la roue. Un coq s'en offensa et courut le combattre, quoiqu'il fût entré sans dessein de lui nuire. D'aucun rival il ne faut prendre ombrage sans le connaître auparavant. Tel que l'on croit dangereux personnage n'est qu'un fanfaron bien souvent. Le paon et la pie. Les oiseaux élirent le paon pour leur roi à cause de sa beauté. Une pie s'y opposa et leur dit qu'il fallait moins regarder à la beauté qu'il avait qu'à la vertu qu'il n'avait pas. Pour mériter le choix d'une jeune merveille, n'en déplaise à maint jouvenceau, dont le teint est plus frais qu'une rose vermeille, ce n'est pas tout que d'être beau. Le dragon, l'enclume et la lime. Un dragon voulait ronger une enclume. Une lime lui dit : « Tu te romperas plutôt les dents que de l'entamer. Je puis, moi seul, avec les miennes, te ronger toi-même et tout ce qui est ici. » Quand un galant est fâché tout de bon, en vain l'amante se courrousse. Elle ne gagne rien de faire le dragon, plus ferait une lime douce. Le singe et ses petits. Un singe trouva un jour un de ses petits si beau qu'il l'étouffa à force de l'embrasser. Mille exemples pareils nous font voir tous les jours qu'il n'est point de laides amours. Le combat des oiseaux. Les oiseaux eurent guerre avec les animaux terrestres. La chauve-souris, croyant les oiseaux plus faibles, passa du côté de leurs ennemis qui perdirent pourtant la bataille. Elle n'a osé depuis retourner avec les oiseaux et ne vole plus que la nuit. Quand on a pris parti pour les yeux d'une belle, il faut être insensible à tout autre attrait. Il faut jusqu'à la mort lui demeurer fidèle ou s'aller cacher pour jamais. La poule et les poussins. Une poule, voyant approcher un milan, fit entrer ses poussins dans une cage et les garantit ainsi de leur ennemi. Quand on craint les attraits d'une beauté cruelle, il faut se cacher à ses yeux ou soudain se ranger sous les lois d'une belle qui sache nous défendre et qui nous traite mieux. Le renard et la grue. Un renard ayant invité une grue à manger, ne lui servit dans un bassin fort plat que de la bouillie qu'il mangea presque toute, lui seul. Tromper une maîtresse, c'est trop se hasarder, et ce serait grande merveille si malgré tous les soins qu'on prend à s'en garder, elle ne rendait la pareille. La grue et le renard. La grue pria ensuite le renard à manger et lui servit aussi de la bouillie, mais dans une fiole, où faisant entrer son grand bec, elle la mangea toute, elle seule. On connaît peu les gens à la première vue. On n'en juge qu'au hasard, tel qu'on croit une grue est plus fine qu'un renard. Le paon et le rossignol. Un paon se plaignait à Junon de n'avoir pas le chant agréable comme le rossignol. Junon lui dit, « Les dieux partagent ainsi leurs dons. Ils te surpassent en la douceur du chant, tu le surpasses en la beauté du plumage. L'un est bien fait, l'autre est galant, chacun pour plaire à son talent. » Le perroquet et le singe. Un perroquet se vantait de parler comme un homme. « Et moi, dit le singe, j'imite toutes ses actions. » Pour en donner une marque, il mit la chemise d'un jeune garçon qui se baignait là auprès, où il s'empêtra si bien que le jeune garçon le prit et l'enchaîna. Il ne faut se mêler que de ce qu'on sait faire. Bien souvent on déplaît pour chercher trop à plaire. Le singe juge. Un loup et un renard plaidaient l'un contre l'autre pour une affaire fort embrouillée. Le singe qu'ils avaient pris pour juge les condamna tous deux à l'amende, disant qu'il ne pouvait faire mal de condamner deux aussi méchantes bêtes. Quand deux amants en usent mal, ou que l'un et l'autre est brutal, quelque bonne raison que chacun puisse dire, pour être préféré par l'objet de ses vœux, la belle doit en rire et les chasser tous deux. Le rat et la grenouille. Une grenouille, voulant noyer un rat, lui proposa de le porter sur son dos par tout son marécage. Elle lia une de ses pattes à celle du rat, non pas pour l'empêcher de tomber, comme elle disait, mais pour l'entraîner au fond de l'eau. Un milan, voyant le rat, fondit dessus, et l'enlevant, enleva aussi la grenouille et les mangea tous deux. De soi, la trahison est infâme et maudite, et pour perdre un rival, rien n'est si hasardeux. Quelque bien qu'elle soit conduite, elle fait périr tous les deux. Le lièvre et la tortue. Un lièvre s'étant moqué de la lenteur d'une tortue, de dépit, elle le défia à la course. Le lièvre la voit partir et la laisse si bien avancer que quelques efforts qu'il fit ensuite, elle toucha le but avant lui. Trop croire en son mérite et manquer de cervelle, et pour s'y fier trop maintenant c'est perdu. Pour gagner le cœur d'une belle, rien n'est tel que d'être assidu. Le loup et la grue. Un loup pria une grue de lui ôter avec son bec un os qu'il avait dans la gorge. Elle le fit et lui demanda récompense. « N'est-ce pas assez, dit le loup, de ne t'avoir pas mangé? Servir une ingrate beauté, c'est tout au moins peine perdue. Et pour prétendre en être bien traité, il faut être bien gru. » Le milan et les oiseaux. Un milan feignit de vouloir traiter les petits oiseaux le jour de sa naissance, et les ayant reçus chez lui, les mangea tous. Quand vous voyez qu'une fine femelle, en même temps fait les yeux doux, à 15 ou 16 jeunes fous, qui tous ne doutent point d'être aimés de la belle, pourquoi vous imaginez-vous qu'elle les attire chez elle, si ce n'est pour les plumer tous? Le singe roi. Un singe fut élu roi par les animaux, pour avoir fait 100 singeries avec la couronne, qui avait été apportée pour couronner celui qui serait élu. Un renard indigné de ce choix, dit au nouveau roi qu'il vint prendre un trésor qu'il avait trouvé. Le singe y alla et fut pris à un trébuchet tendu, où le renard disait quel était le trésor. Savoir bien badiner est un grand avantage et d'un très grand usage, mais il faut être accord, sage, discret et fin, autrement l'on n'est qu'un badin. Le renard et le bouc. Un bouc et un renard descendirent dans un puits pour y boire. La difficulté fut de s'en retirer. Le renard proposa au bouc de se tenir debout, qu'il monterait sur ses cornes, et qu'étant sorti, il lui aiderait. Quand il fut dehors, il se moqua du bouc et lui dit « Si tu avais autant de sens que de barbe, tu ne serais pas descendu là sans savoir comment tu en sortirais. Tombé entre les mains d'une coquette fière est un plus déplorable sort que tomber dans un puits la tête la première. On est bien fin quand on en sort. » Le conseil des rats. Les rats tinrent conseil pour se garantir d'un chat qui les désolait. L'un d'eux proposa de lui prendre un grelot au cou. L'avis fut loué, mais la difficulté se trouva grande à mettre le grelot. Quand celle à qui l'on fait la cour est rude, sauvage et sévère, le moyen le plus salutaire serait de lui pouvoir donner un peu d'amour. Mais c'est là le point de l'affaire. Le singe et le chat. Le singe, voulant manger des marrons qui étaient dans le feu, se servit de la patte du chat pour les tirer. Faire sa cour aux dépens d'un rival est à peu près un tour égal. Le renard et les raisins. Un renard, ne pouvant atteindre aux raisins d'une treille, dit qu'il n'était pas mûr et qu'il n'en voulait point. Quand d'une charmante beauté un galant fait le dégoûter, il a beau dire, il a beau feindre, c'est qu'il n'y peut atteindre. L'aigle et le lapin. L'aigle, poursuivant un lapin, fut prié par un escarbot de lui donner la vie. Elle n'en voulut rien faire et mangea le lapin. L'escarbot, par vengeance, cassa 2 années de suite les œufs de l'aigle, qui enfin alla pondre sur la robe de Jupiter. L'escarbot y fit tomber son ordure. Jupiter, voulant la secouer, jeta les œufs en bas et les cassa. Ce n'est pas assez que de plaire à l'objet dont votre âme a ressenti les coups. Il faut se faire aimer de tous, car si la soubrette est contraire, vous ne ferez jamais affaire quand la belle serait pour vous. Le loup et le porc-épic. Un loup voulait persuader à un porc-épic de se défaire de ses piquants, et qu'il en serait bien plus beau. « Je le crois, dit le porc-épic, mais ces piquants servent à me défendre. Jeune beauté, chacun vous étourdit, à force de prôner que vous seriez plus belle, si vous cessiez d'être cruel. Il est vrai, mais souvent c'est un loup qui le dit. » Le serpent a plusieurs têtes. 2 serpents, l'un a plusieurs têtes, l'autre a plusieurs queues, disputaient de leurs avantages. Ils furent poursuivis. Celui à plusieurs queues se sauva au travers des broussailles, toutes les queues suivant aisément la tête. L'autre y demeura parce que les unes de ses têtes allant à droite, les autres à gauche, elles trouvèrent des branches qui les arrêtèrent. Écouter trop d'avis est un moyen contraire pour venir à sa fin. Le plus sûr, en amour, comme en toute autre affaire, est d'aller son chemin. La petite souris, le chat et le cocher. Une petite souris, ayant rencontré un chat et un cocher, voulait faire amitié avec le chat. Mais elle fut effarouchée par le cocher qui vint à chanter. Elle s'en plaignit à sa mère, qui lui dit « Apprends que cet animal qui te semble si doux ne cherche qu'à nous manger, et que l'autre ne nous fera jamais de mal. » De ces jeunes plumés plus braves qu'Alexandre, il est aisé de se défendre. Mais gardez-vous des doucereux, ils sont cent fois plus dangereux. Le Milan et les colombes. Les colombes, poursuivies par le Milan, demandèrent secours à l'épervier, qui leur fit plus de mal que le Milan même. On sait bien qu'un mari fait souvent enrager. Toutefois, la jeune colombe, qui gémit et veut se venger, doit bien, avant que s'engager, voir en quelle main elle tombe, car si l'amant est brutal et jaloux, il est pire encore que l'époux. Le dauphin et le singe. Un singe, dans un naufrage, sauta sur un dauphin qui le reçut, le prenant pour un homme. Mais lui ayant demandé s'il visitait souvent le Pirée, qui est un port de mer, et le singe ayant répondu qu'il était de ses amis, il connut qu'il ne portait qu'une bête et le noya. En vain un galant fait le beau, à beaux traits, beaux habits, beaux linges et belles têtes, si du reste c'est une bête, il n'est bon qu'à jeter en l'eau. Le renard et le corbeau. Un renard, voyant un fromage dans le bec d'un corbeau, se mit à louer son beau chant. Le corbeau voulut chanter et laissa choir son fromage que le renard mangea. On peut s'entendre cajoler, mais le péril est de parler. Du cygne et de la grue. La grue demanda à un cygne pourquoi il chantait. « C'est que je vais mourir, » répondit le cygne, « et mettre fin à tous mes maux. » Quand d'une extrême ardeur on languit nuit et jour, cette ardeur devient éloquente, et la voix d'un amant n'est jamais si charmante que quand il meurt d'amour. Le loup et la tête. Un loup, voyant une belle tête chez un sculpteur, disait « Elle est belle, mais le principal lui manque, l'esprit et le jugement. Pour tenir dans les fers un amant arrêté, il faut joindre l'esprit avec la beauté. » Le serpent et le hérisson. Un serpent retira dans sa caverne un hérisson qui, s'étant familiarisé, se mit à le piquer. Il le pria de se loger ailleurs. « Si je t'incommode, » dit le hérisson, « tu peux toi-même chercher un autre logement. Introduire un ami chez la beauté qu'on aime est bien souvent une imprudence extrême, dont à loisir on se repent. L'ami prend votre place, » est aimée de la belle, et l'on n'est plus regardé d'elle que comme un malheureux serpent. les cannes et le petit barbé. Un petit barbé poursuivait à la nage de grandes cannes. Elles lui dirent « Tu te tourmentes en vain, tu as bien assez de force pour nous faire fuir, mais tu n'en as pas assez pour nous prendre. Il faut que l'objet soit sortable, c'est autrement soi-même se trahir quand on n'est pas assez aimable. Plus on poursuit, plus on se fait haïr. » Le barbé de cette fontaine court effectivement après les cannes qui fuient devant lui. Et le barbé et les cannes jettent de l'eau en l'air, en tournant l'un après l'autre. Cette fontaine s'appelle aussi la fontaine du gouffre, parce que les eaux qui entrent dans son bassin avec grande abondance y tournoient avec rapidité et avec bruit, puis s'engouffrent dans la terre et s'y perdent.